بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام اليوم بإذن الله تعالى نكمل هذه الرسالة الرسالة المفيدة المهمة الجليلة. Aujourd'hui, on va, Inch'Allah ta'ala, tâcher de finir cet épître. Donc, l'épître profitable, important de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. On était arrivé donc à la parole de l'auteur, rahimahullah, Anwa'ul Kufr. Les différents types ou les différentes formes de mécréance. Il dit l'auteur, rahimahullah, el kufru kufran. Et donc, il y a deux formes de mécréance. كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع. Donc une mécréance qui fait sortir de l'islam et cette mécréance se divise en cinq. فالمراد أيها الإخوة بهذا الكفر هو الكفر المعروف الكفر الأكبر. Et donc ce qui est voulu ici par cette mécréance, c'est la mécréance majeure. Donc on a deux formes de mécréance, la mécréance majeure et la mécréance mineure. La mécréance majeure qui se divise en cinq. Et donc il nous dit l'auteur, rahimahullah, an-naw'u al-awwal kufru takdhib. Et donc la première forme de mécréance majeure, c'est la mécréance mécréance qui est liée au fait de rejeter, de ne pas croire, de ne pas accepter la vérité. La preuve de cela, la parole d'Allah, le Très-Haut, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge sur Allah ou qui dément la vérité, donc qui rejette la vérité après que celles-ci viennent à lui? N'est-ce pas que l'enfer est un refuge pour les incroyants? Et donc, dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité le fait de démentir, de rejeter la vérité. Et donc, et le fait que l'individu devient incroyant par cela, par le fait de mentir sur Allah ou de rejeter la vérité. Et donc ça, c'est la première forme d'incroyance. La deuxième forme d'incroyance que nous cite l'auteur, rahimahullah, النَّوْعُ الثَّانِي كُفْرُ الْإِبَاءِ وَالْإِسْتِكْبَارِ مَعَ التَّصْدِيقِ. Et donc il nous dit la mécréance qui est liée au refus, à l'orgueil, tout en ayant la croyance. Ce qui est voulu ici, donc tout en croyant. Donc la personne, elle ne va pas rejeter la vérité. Elle ne va pas rejeter la ilaha illallah. Elle ne va pas rejeter que Muhammad Rasulullah. Elle ne va pas rejeter que Allah tabaraka wa ta'ala est le Seigneur des mondes. Mais son orgueil va impliquer que la personne refuse de se soumettre à la vérité. Refuse de se soumettre à la vérité. Et ici, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un verset, car en réalité, il nous cite un verset qui est lié à l'imam des orgueilleux. L'imam des orgueilleux, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, wa idh kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous pour Adam. Ils se prosternèrent. Exception faite de Iblis qui a refusé et a été orgueilleux. Wa kana min al-kafirin. Attention, ici il faut bien comprendre ce verset. Wa kana min al-kafirin, ce qu'il n'est pas voulu ici et il faisait partie des incroyants. Parce que le verbe « kene » a plusieurs sens. Ici, kene veut dire sora. Sora min el kafirin. Et il est devenu à ce moment-là, au moment où il a désobéi, où il a refusé d'obéir à son Seigneur, à ce moment-là, il est devenu donc parmi les incroyants. Voyez. Et donc ici, Iblis, il connaissait la vérité. Que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui l'a créé, et qu'il doit obéir à Allah, etc. Il connaissait la vérité. Mais son orgueil l'a poussé à refuser de se soumettre. Et cela donc est une cause, est une forme de mécréance. Cela est une forme de mécréance. Tayyib, l'auteur qui nous dit rahimahullah, an-naw'u thalith, la troisième forme de mécréance. Kufru shakki wa huwa kufru dhanni. Et donc, ici, l'auteur, il nous parle de la mécréance qui est liée au doute, le fait de douter. Et il nous cite ici la preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Et donc lorsque l'homme rentra dans son jardin, ici, donc le verset donc dans Sourate Al-Kahf, lorsque l'homme rentra dans son jardin en étant injuste envers lui-même, il a dit: je ne pense pas que celui-ci va disparaître. Et d'ailleurs, je ne pense pas que l'heure viendra. Si la fin des temps, je ne pense pas que l'heure viendra. Je ne pense pas. Et donc ici, le doute. Wala in ruditu ila Rabbi. Mais si on me renvoie vers mon Seigneur, alors à ce moment, je trouverai mieux que ce jardin. Alors là, son compagnon qui était avec lui, son compagnon qui a voulu être sincère envers lui, fait qu'on a qu'on a ou qu'on a ou sa hibou ou a ou a you ha we rou ou a kafar tabil ladi khalaqaka min turab summa min nutfa summa sawwaka rajula. Alors son compagnon lui a dit: est-ce que tu as mécru en celui qui t'a créé à partir de terre, puis d'une goutte, c'est-à-dire il a créé ton père Edem à partir de terre, puis toute la descendance de Edem à partir d'une goutte. À partir donc de El-Nutfa, ce liquide. Thumma sawwaka rajula, puis il t'a façonné en homme. Lakinna huwa Allah. Cependant, c'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur, donc nous devons, c'est Allah, nous devons nous soumettre à lui. Rabbi, mon Seigneur. Wala ushriku bi Rabbi ahada. Et je n'accorde aucun associé à mon Seigneur. Et donc cet homme l'a conseillé par rapport à cette parole grave qu'il a prononcée, le fait de douter de la résurrection. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a cité les caractéristiques des croyants dans son livre. Et parmi les caractéristiques qui sont citées, il nous dit: innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulih. Certes, les croyants, ce ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager, puis n'ont pas douté. Et donc le doute, ô chers frères, le fait de douter fait sortir de l'islam. Donc il est très important, barakallahu fikoum, de connaître les formes de mécréance. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, an-naw'u rabi'a. كفر الإعراض والدليل قوله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Et donc, ici, la cinquième forme de mécréance, c'est la mécréance qui est liée au fait de se détourner. La preuve de cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Et ceux qui ont mécru, et ceux qui ont mécru, se sont détournés de ce, donc, de, se sont détournés du rappel qui leur a été fait, de l'avertissement qui leur a été fait. Ils s'en sont détournés. Et plusieurs fois dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite la situation des incroyants et des faits qu'ils se détournent de la vérité. La cinquième forme de mécréance, c'est une mécréance qu'on a déjà vue précédemment. Et donc, il nous cite ici, l'auteur, il nous dit la mécréance liée à l'hypocrisie. La preuve de cela est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Et donc cela parce qu'ils ont cru, puis ont mécru. C'est-à-dire, ce qui est voulu ici dans ce verset, barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle des hypocrites. Cela est parce qu'ils ont cru. Donc en fait, ils ont montré avoir cru, mais ils n'ont pas cru. ثُمَّ كَفَرُوا. Puis, le fait que, après avoir montré qu'ils ont la foi, eh bien, ils ont encore la mécroyance, ils ont encore donc la mécréance, excusez-moi. Ils ont encore la mécréance en eux, dans leur cœur. Et donc, ils montrent qu'ils sont croyants, mais ils ne le sont pas. Alors, à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a scellé leur cœur. Leur cœur furent scellés. Et ils ne comprennent plus, subhanallah, la lourde conséquence, la lourde punition liée à cet acte. Le fait que leur cœur furent scellés. Et donc la deuxième forme de mécréance, on a la mécréance mineure qu'on a déjà vue. Donc on a déjà parlé de la mécréance mineure. On a déjà vu donc la mécréance mineure. C'est tout ce qui a été appelé mécréance dans les textes de la législation, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. On va voir, en islam, il y a des éléments qui ont été cités comme étant de la mécréance. Mais ces éléments-là ne font pas sortir de l'islam. On va donc dire, on va appeler cela la mécréance mineure. Tayyib. Et donc l'auteur ici, qui nous dit, wa, donc, et donc ici, la mécréance ne fait pas sortir de la religion, et c'est ce qu'on appelle kufrun ni'ama. Kufrun ni'ama, ce qui est voulu donc par le terme kufrun ni'ama en arabe, ce qui est voulu par cela, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. En réalité, barakallahu fikoum, c'est une forme. C'est une parmi les formes de mécréance mineure. Mais la mécréance mineure, elle est bien plus large que cela. Mais elle va être toujours liée à ce principe, l'ingratitude. Voyez, on a parmi les formes de mécréance mineure, on va avoir le fait de juger par autre que les lois d'Allah dans certains cas. Un gouverneur qui juge par autre que les lois d'Allah, il se peut que ce soit de la mécréance majeure, il se peut que ce soit de la mécréance mineure. Si ce gouverneur voit que les lois d'Allah ne sont pas bien et que on peut faire mieux, etc., etc., alors là, ceci est de la mécréance majeure. Maintenant, si ce gouverneur, il voit que c'est lui qui a de la faiblesse et qui n'arrive pas à appliquer les lois d'Allah et qu'il a trop de pression, etc., etc., à ce moment-là, c'est de la mécréance mineur. Il est en train d'accomplir un grand péché, mais cela ne lui fait pas sortir de l'islam. Et donc ici l'auteur qui nous dit what dalil, donc la preuve de cette petite forme la preuve de cette mécréance mineure, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite l'exemple d'un village, une contrée, une tribu qui était paisible, aminatan, mutma'innatan, apaisée. Leur subsistance venait à eux de toutes parts. Et ils ont été donc ingrats, concernant les bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, quelle fut la sanction? Alors Allah, tabaraka wa ta'ala, les a fait goûter la difficulté de la faim et de la peur à cause de ce qu'ils faisaient. Ici, l'auteur nous a cité ce verset par rapport à cette forme de mécréance dont il nous a parlé, qui est donc l'ingratitude. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, qu'on apprenne à remercier notre Seigneur par rapport à tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Par rapport à tous les bienfaits qu'il nous a accordés, tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, subhanallah, je ne sais pas du tout, ça fait combien de temps qu'on a commencé. Là, j'ai envie de parler avec vous d'un sujet important, mais ça va bien entendu, ça va nous faire un peu sortir du sujet, mais j'ai peur que ça soit trop long, parce que là, je n'ai pas du tout le temps qui s'affiche. Donc, je ne sais pas, on a commencé il y a combien de temps. El-Mouhim. On a, barakallahu fikoum les frères, une question importante. C'est qu'aucun d'entre nous ne rentrera au paradis par ses œuvres. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a dit sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons lui ont dit, Wala anta ya Rasulallah, même pas toi, ô messager d'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin minhu. Sauf, même, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, même pas moi. Sauf qu'Allah tabaraka wa ta'ala me couvre de sa grâce. Et donc, barakallahu fikoum, ce ne sont pas nos œuvres qui nous font rentrer au paradis. C'est-à-dire que nos œuvres ne sont pas un échange. Ce ne sont pas un moyen d'échange qui permet de rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que le paradis n'a pas de valeur. Le paradis, il n'a pas une valeur qui peut être estimée que tu peux payer avec tes œuvres. Tu vas dire à une personne ici-bas, tu vas lui dire, écoute, Harry, tu me fais tel et tel service et moi je te donne telle et telle chose. Un échange. Et donc son service, il t'a peint le mur de ta maison et l'échange, c'est quoi? C'est que tu lui donnes telle somme d'argent ou un autre service, etc. Et donc ce travail que la personne va faire, il peut être estimable. Le paradis. Barakallahu fikoum les frères. La dernière personne qui rentrera au paradis, la dernière, après avoir été dans le feu, quand elle sortira du feu, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui montrera un arbre, et qu'elle dira, ô Seigneur, laisse-moi me rapprocher de cet arbre afin que je puisse prendre de son eau. Allah va permettre à cette personne de se rapprocher de cet arbre en lui disant, mais qu'est-ce qui me dit que si je t'accorde cela, que tu ne vas pas me demander autre chose? Il a pris l'engagement de cette personne qu'elle ne demande rien après ça. Lorsque la personne a bu de cette eau, alors Allah lui montre un autre arbre qui est meilleur que le premier. Et là, la personne, elle demande encore. Mais n'est-ce pas que tu m'avais donné l'engagement que tu n'allais pas redemander? Et donc cette personne, elle redemande encore. Allah lui accorde le fait de se rapprocher de ce deuxième arbre. Et même chose pour un troisième arbre qui est à côté du paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit à cette personne, cette personne qui redemande encore. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, est-ce que tu ne voudrais pas la dunya wa mislaha ma'aha? Ne voudrais-tu pas la dunya? Attention, je n'ai pas parlé de la ville de Villerue, ou la France, ou l'Europe, ou plus grand que cela encore. Non, être dunya. Ciel et terre, Ed-Dounia, ne veux-tu pas pour toi, juste pour toi, Ed-Dounia et sa semblable avec elle? Et t'estahzi oubi wa intarabul alamin. Il dit, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur des mondes? Allah tabaraka wa ta'ala qui rigole et qui dit, non, mais je fais ce que je veux. Les frères, ça c'est la récompense du dernier qui rentre au paradis. Le dernier, que dire de tous les autres? Que dire de tous les autres? Pourquoi, les frères, pourquoi est-ce que je vous cite cela? C'est pour qu'on comprenne que l'entrée au paradis n'est pas estimable. Tu peux accomplir toutes les œuvres que tu veux, tu n'auras pas fait assez pour rentrer au paradis. Tu peux accomplir toutes les œuvres que tu veux. Quelle œuvre peut te permettre d'avoir être dounia et sa semblable? L'entrée au paradis ne peut pas être échangée par les œuvres, parce que tes œuvres ne seront pas assez, peu importe les œuvres que tu fais. Ça, c'est premier point. Deuxième point, sans compter le fait que les œuvres que tu vas accomplir font partie des bonnes actions qu'Allah t'a permis de faire. Et donc, c'est grâce à Allah tabaraka wa ta'ala que tu fais ces bonnes actions. Et donc, il faut que tu le remercies. Déjà, en plus du fait que tes œuvres ne sont pas suffisantes, on rajoute à cela le fait que c'est Allah qui t'a permis de faire ces œuvres. Et donc, que tu dois, en plus de ça, le remercier déjà pour ces œuvres. Tu dois remercier Allah pour tout ce qu'il t'a accordé. Comment tu vas faire pour payer la vue que tu as? Hein? Allez, quel est le prix de la vue que tu as, le fait que tu as la capacité de voir, d'entendre? Là, tu es en train d'écouter un cours. Quelle est la valeur de cela? Le fait d'écouter un cours, le fait d'écouter tous les sons qu'il y a autour de toi. Quel est le prix? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et donc, tu n'as pas la capacité d'œuvrer de manière suffisante pour remercier Allah tabaraka wa ta'ala pour rentrer au paradis. Et donc, si tu rentres au paradis, c'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde de sa grâce et te fait miséricorde. Et donc, il est important, ô cher frère, barakallahu fikoum, qu'on remercie beaucoup Allah. On remercie beaucoup Allah tabaraka wa ta'ala pour les grands bienfaits qu'il nous a accordés. La vue, l'ouïe, la capacité de réfléchir, d'écouter les cours, la guider, le fait qu'Allah nous a guidés vers l'islam, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'accomplir des bonnes œuvres. La in shakartum li azidannakum. Si vous remerciez, je vais vous augmenter. Je vais augmenter encore les biens, les ni'ma. Mais si vous faites preuve d'ingratitude, et donc c'est ici qu'on a l'ingratitude, kafartum, le contraire de shukr, le contraire du remerciement. Alors mon châtiment est douloureux. Et donc je profite de ce sujet, mon cher frère, pour vous recommander à tous le fait de beaucoup remercier Allah tabaraka wa ta'ala par rapport aux nombreux bienfaits que nous avons. Car nous savons tout, on veut tous rentrer au paradis. Mais nos œuvres ne sont que des causes. Nos œuvres ne sont que des causes. Mais l'entrée au paradis n'a pas de prix. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui te fait rentrer au paradis par sa grâce, par sa miséricorde. Et donc, en plus du fait que nos œuvres ne sont pas suffisantes pour rentrer au paradis, on rajoute à cela le fait que nos œuvres font partie des éléments, des bienfaits qu'Allah nous a accordés, et donc on doit lui remercier pour cela. Et on rajoute à cela encore les péchés qu'on fait. Mais comment est-ce qu'on veut que nos œuvres soient suffisantes pour nous faire rentrer au paradis? Nos œuvres ne sont pas suffisantes pour nous faire entrer au paradis. Mais nos œuvres sont une cause. Nos œuvres sont une cause. Et la présence de la cause n'implique pas obligatoirement ce qui en découle. Exemple, un homme peut très bien se marier. Le mariage, c'est une cause d'avoir des enfants. Le fait qu'il soit marié ne va pas forcément impliquer le fait qu'il ait des enfants. Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité dans le Coran qu'il fait descendre la pluie pour donner la vie à la terre. Parfois, Allah tabaraka wa ta'ala va faire descendre la pluie. C'est la cause pour que cette terre vive et qu'il y ait des plantes, etc. Mais c'est la cause. Mais il y a d'autres causes qu'il y a autour de cela. Si Allah tabaraka wa ta'ala n'entraîne pas ces autres causes, il n'y aura pas de plantation. Il n'y aura pas de plantes, pas de végétation. Et donc la pluie, c'est une cause. Mais ce n'est pas la seule. Pareil, les œuvres sont une cause, mais les œuvres ne sont pas les seules causes pour entrer au paradis. Et donc on doit beaucoup remercier Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à tous ces bienfaits qu'il nous a accordés, et nous ne devons pas faire preuve d'ingratitude. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, un noir ou nifaq, et donc les différentes formes donc d'hypocrisie. Les différentes formes d'hypocrisie, il nous dit, premièrement, un nifaq ou un i'tiqadi. Et donc, parce que un nifaq se divise en deux. On a le premier, et le deuxième, donc le premier, c'est l'hypocrisie, donc dans la croyance, et donc c'est l'hypocrisie majeure, et le deuxième, l'hypocrisie dans les œuvres, et donc c'est l'hypocrisie mineure. Alors on a vu, donc le polythéisme majeur, le polythéisme mineur, la mécréance majeure, la mécréance mineure, et maintenant on voit donc l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Et c'est avec ce sujet que l'auteur, il finit cette épître. Et donc il nous dit, fait un mal et atikadi, fait huwa sittatu anwa'. En ce qui concerne l'hypocrisie dans la croyance, donc l'hypocrisie majeure, et donc c'est l'hypocrisie qui fait que l'individu n'est pas croyant. L'hypocrisie majeure fait que l'individu n'est pas croyant. Et donc cette hypocrisie majeure, elle est de 6 types. Takzibu ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de rejeter, de ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou takzibu ba'di ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ou le fait de rejeter certains éléments de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes vont rejeter certains éléments du Coran ou de la Sunna. Ils ne vont pas tout rejeter, mais le fait de rejeter un élément suffit pour que la personne tombe dans un annulatif de l'islam. Et donc il est important, aux chers frères, qu'on fasse attention à cela, à ne pas tomber dans un des annulatifs de l'islam. Ou alors, il nous dit l'auteur, rahimahullah, « Au kerahiyatu al-intisar »« Au al-kerahiyatu li-intisar » dignir rasouli sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il nous dit, ou alors, le fait de détester, le fait que la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam soit secourue. La personne, elle déteste cela. Elle ne veut pas que la religion, elle détesterait le fait que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit secourue. Elle détesterait le fait que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dessus, se propage, etc. Ça, c'est de l'hypocrisie. Même si cette personne, elle dit « La ilaha illallah ». Et donc, il est important, « Barakallahu fikum » qu'on étudie les caractéristiques des hypocrites. Les caractéristiques des hypocrites. L'auteur qui nous dit Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. La personne qui a ces caractéristiques-là, elle fait partie de ceux qui sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Et donc ici, comme on a vu, barakallahu fikum, c'est l'hypocrisie majeure. Qu'est-ce que l'hypocrisie ? L'hypocrisie majeure, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance, comme on l'a vu précédemment. Si on vous demande, qu'est-ce que l'hypocrisie ? L'hypocrisie, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. Cette hypocrisie que la personne est là, elle montre l'islam mais elle cache la mécréance, elle a plusieurs caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, il y a celles que l'auteur elle nous a citées ici. La personne, elle va détester que l'islam se propage. Elle détesterait que l'islam ait le dessus. La personne rejette donc certains éléments avec lesquels est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam du Coran ou de la Sunna, hein, elle n'accepte pas certains points de la législation, etc., etc., etc. Et donc il est important, jazakumullah khairan, d'apprendre les caractéristiques des hypocrites. Allah tabaraka wa ta'ala nous a cité certaines de ces caractéristiques dans son livre. Beaucoup de ces caractéristiques, beaucoup des caractéristiques des hypocrites dans son livre. Notamment, vous pouvez les voir dans surat Al-Baqara. L'auteur qui nous dit après cela, « Wa amma al-amali fa huwa khamsatu anwa'a ». En ce qui concerne l'hypocrisie liée aux œuvres, et donc ça c'est l'hypocrisie mineure, alors celle-ci, elle est de 5 formes. Et ici, l'auteur qui va nous citer la preuve, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ayatul munafiqi thalath ». Les signes de l'hypocrisie, or les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. « Iza haddatha kazab », lorsqu'il parle, il ment. « Wa iza wa'ada akhlaf », lorsqu'il promet, ne tient pas sa promesse. « Wa iza tumina khan », lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. « Wa iza khasama fajar », lorsqu'il a un conflit, il dépasse les limites. « Wa iza ahada radar », et lorsque donc il a un pacte, lorsqu'il a un pacte et un engagement, il ne le tient pas, il le trahit. Et donc là, ça fait 5 caractéristiques concernant l'hypocrisie. Et là, l'auteur qui nous dit après cela, na'ouzou billahi minan nifaqi wa shiqaqi wa su'il adab, on implore la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant donc nous nous réfugions auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre l'hypocrisie, le mauvais comportement, ainsi que ash-shiqaq, le fait de dévier de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ensuite il finit en nous disant wallahu a'lam, et Allah est plus savant. Au cher frère, barakallahu fikoum, cette épître, donc qui n'était pas très long, pour nous permettre de méditer sur les bases de l'islam. On a vu donc le tawhid, on a vu les différentes formes de tawhid. Hein? Qu'est-ce que le tawhid? C'est pour ça que c'est important, barakallahu fikoum, l'individu qui finit cette épître, il est censé donc connaître qu'est-ce que le tawhid, la définition du tawhid de manière générale, quels sont les différents types de tawhid, donc la définition des différents types de tawhid, qu'est-ce que le polythéisme, la définition du polythéisme majeur, la définition du polythéisme mineur, et les différentes formes de cela, la définition de la mécréance majeure, la définition de la mécréance mineure, et les différentes formes de cela, la définition de l'hypocrisie majeure, de l'hypocrisie mineure, et les différentes formes de cela. Et donc l'hypocrisie mineure, barakallahu fikoum, ce sont les actes. Ce sont les actes qui ont été définis comme étant des actes d'hypocrisie dans les textes de la législation, mais qui ne font pas pour autant sortir l'individu de l'islam. Qui ne font pas pour autant sortir l'individu de l'islam. Voilà l'hypocrisie mineure. On va arrêter là pour aujourd'hui. Incha'Allah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et on commence la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, avec un épître profitable, un écrit profitable de Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, et donc 10 voiles qu'il y a entre le Seigneur, entre le serviteur et son Seigneur. Le serviteur qui veut se rapprocher de son Seigneur, et donc qui veut aller au paradis, il veut se rapprocher de son Seigneur, mais il y a 10 voiles, 10 causes qui vont éloigner le serviteur de son Seigneur. Et donc on verra ces 10 causes, inshallah ta'ala, à partir de la semaine prochaine. Jazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.